Difunto. Salón. 4 rondes. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Émilie Gauthier nous parle de plein air dans sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et je vous présente quelques nouveautés musicales qui sortent aujourd'hui. Ben voyons donc, toi. Assemblage requis commence maintenant. Bien le bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées où la vigilance auditive est nécessaire, mais le plan est inclus par chance, toi. Une chance! On l'a jamais, en fait, consulté trop le plan non plus, hein? Non, ben on sait même pas, on sait qu'il existe, qu'il est inclus, mais je pense qu'on l'a perdu en dessous d'un meuble, en dessous du divan sûrement, avec une, tu sais, genre une douzaine de paires de bas. Ouais. À peu près. C'est dans ça qu'advient des manuels d'instruction. Ça, puis quelques vis. En tout cas. Quoi d'autre aussi qu'on retrouve dans ces... En tout cas, on s'en reparlera une autre fois. Ouais, je pense qu'on est mieux. On va recevoir aujourd'hui Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. On sait pas encore de quoi elle va nous parler, mais on sait que ça va se passer à l'extérieur. La petite porte de la batterie de la télécommande, des fois, est avec le manuel en dessous. Même juste la télécommande au complet. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et aussi, à l'émission aujourd'hui, on va faire parler un peu des nouveautés CD. Aujourd'hui, on n'a pas énormément, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui a retenu mon attention, mais quand même, malgré tout, du matériel, parce que nous, ici, à la station, on a reçu des trucs intéressants qui sont pas prévus pour sortir aujourd'hui, mais quand même, il va y avoir pas mal de nouveautés musicales aujourd'hui. Émission assez chargée, comme toujours, mais on commence en musique avec la nouvelle pièce du palmarès de la formation de la personne, le Husky. Oui, lui, un album qui est attendu, c'est au mois d'avril, je crois, je sais pas exactement la date, mais en tout cas, c'est sûr que l'album s'en vient pour le printemps, ça fait longtemps qu'il travaille dessus, donc on écoute une pièce qui va sûrement, j'imagine, se retrouver sur cet album-là. Ici, elle vient de la compilation des Frères du Son, on écoute tout de suite, c'est la pièce « Dis-moi » du Husky. Assemblage requis au 89.5. Ça fait d'être détruit par les saisons. Quel effet ça fait de pousser les mauvais boutons? Quel effet ça fait d'oublier tous les bonbons? Quel effet ça fait de doucement perdre la raison? Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Quel effet ça fait de plus savoir comment rire? Quel effet ça fait de ne plus jamais sourire? Quel effet ça fait de se sentir engourdi? Quel effet ça fait de sentir la maladie? Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de revenir en arrière? Quand c'était beau, chose qu'on peut faire, c'est-tu possible de revenir en arrière quand c'était beau? Quel effet ça fait d'être tout seul dans son lit, gros comme une fourmi, triste comme un pissenlit? Quel effet ça fait de ne plus aimer la vie? Quel effet ça fait de ne plus aimer la vie? Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de venir en arrière? Quand c'était beau, Caroline enlevait son Oh, La pièce s'appelle Réflexion respiratoire sous apesanteur, entre parenthèses, miroir de Mille Monarques. Mais on l'appelle communément Réflexion. Moi, je l'appelle RRSM. Ouais, aussi. Donc, le groupe Mille Monarques, qu'on vient d'entendre, hein, on a appris hier en exclusivité exclusive qu'ils vont être en spectacle samedi prochain à Shawinigan au Broadway Pub. Ça coûte seulement 5$ avec le groupe local Bijou, qu'on a aussi découvert hier ensemble ici dans l'émission. On a écouté une pièce du groupe Bijou. C'était très bon, mais Mille Monarques, vraiment un spectacle à ne pas manquer. C'est samedi le 20 février au Broadway Pub. En passant, si vous avez raté une émission d'Assemblage Requis, une fois de temps en temps, ça arrive. Si on peut pas être là tous les jours à 15h à écouter C'est fou, en fait, on peut. Mais vous choisissez de pas le faire. Nous, on est là. Nous autres, on est là, en tout cas. Fait que si nous autres, on est capables, vous êtes capables aussi. Sinon, allez télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com et écoutez les meilleurs moments, les meilleures chroniques de la semaine dans Le Meilleur de C'est fou. C'est les vendredis matin à 6h30 et les samedis à 14h. Voilà qui est dit. Nous, on tourne déjà en musique. Oui, on va aller écouter une petite pièce de Olerado qui est sur le palmarès anglophone. C'est la pièce Juliette à Assemblage Requis. Juliette. Comme... J'aime ça, tu sais. Des jujubes, ça me fait penser à ça. Son, you've got so much to learn. The love of life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Puts on Patsy Cline, cuts a crust off sandwiches, and mentions how she don't mind dying. Tells stories about Pearl and Earl, best friends that she once had. We threw the dishes, then she says it's time for bed. The love alive that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. We ate ice cream last night before she slept. No plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies, that day was a blur for me. She made me promise not to cry, so here is a drink I drink to thee. The love of life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. OK Go, qu'on vient d'entendre avec la pièce This Too Shall Pass. C'est sur le palmarès anglophone ici à C'est Fou. Palmarès anglophone qui est diffusé demain, mercredi, entre 13h et 15h. C'est moi qui anime ça. Et puis, il va y avoir du OK Go et plein d'autres affaires, dont des nouvelles entrées. Mm-hmm. Que tu peux pas nous révéler tout de suite, j'imagine. Non, c'est un secret, top secret. Il y a seulement Jean-Paul Belmundo Régal qui connaît ça. C'est bon. Et Pierre-Jean-Jacques aussi. C'est ça. Vraiment au courant de tout. Et tu parlais de Belmundo Régal. Ben oui, c'était mon lien, si on veut, là. C'était assez douteux, mais les gens, parce qu'ils savent peut-être, connaissent peut-être le nom. C'est le nom du nouvel album de Radio Radio qui va être disponible le 2 mars prochain. C'est dans deux semaines. Nous, on l'a reçu ici cette semaine à la station. Et moi, je l'ai écouté aussi dans les dernières semaines. Je l'ai écouté pas mal puisque j'avais reçu une copie promo de la compagnie Bon Sound. T'aimes ça dire ça, hein, que tu as les choses à l'avance, toi. Vraiment ça. Ouais. Non, c'est la seule chose de ma vie que j'ai reçue en avance sur tout le monde. D'habitude, je suis à peu près 2 ans et demi après tout le monde. Uh-huh. Mais c'est quand même un très bon album, celui de Radio Radio. Puis j'en avais pas trop parlé encore, même si je l'ai écouté pas mal. J'ai pas parlé des autres pièces. On écoute souvent Dekchou, qui est le premier extrait officiel, qui est d'ailleurs disponible pour tout le monde gratuitement en téléchargement sur le site de Radio Radio ou sur le site de Bon Sound, plutôt bonsound.com, je crois. Et ça, cet album-là, j'ai écouté pas mal. J'avais pas tant écouté, moi, le premier album Cliché Hot de Radio Radio. J'avais entendu les hits qui allaient jouer un peu partout. On avait eu pas mal d'extraits, entre autres ici, assez fous sur le palmarès. Jacuzzi et d'autres. C'est ça, Cliché Hot, justement. Cliché Hot. Puis, on en avait écouté quelques-unes ici. J'avais quand même apprécié. Je les avais déjà vus en spectacle aussi. Je trouve qu'ils sont excellents sur scène, même si, selon une citation célèbre, ce sont des gars qui chantent sur une cassette. J'adore dire cette expression. Et c'est qui a dit ça, hein? Quelqu'un. D'accord. Et toi. Et non, c'est pas moi. Non. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, cet album-là. Donc, on avait reçu à nous en entrevue Gabriel du groupe Radio Radio ici. Entrevue qui est sur le cif.ca, d'ailleurs. Oui, vous pouvez aller écouter la balado-diffusion. Et dans cette entrevue-là, il disait que les gars avaient changé un peu, puis que le premier album, il comparait un peu à un party du secondaire. Puis à celui-là, c'était un party un peu plus classe. Puis là, j'avais dit, OK, est-ce que donc le son est un peu plus mature? Et il avait dit non, mature, c'est négatif comme appellation. Ah. Donc, il voulait pas qu'on dise que c'était plus mature. Et effectivement, je trouve qu'il avait raison. Il avait expliqué ça. Il avait expliqué, en fait, c'était quoi la différence entre le son. Puis je l'ai saisi vraiment en écoutant l'album. Parce qu'en fait, il n'y a pas tant de maturité sur cet album-là. Ça reste quand même assez simple au niveau tant des paroles que de la forme aussi. Tu sais, côté musical, même si c'est très bon, ça s'écoute très bien. Mais c'est pas une musique qui est super évoluée. C'est pas quelque chose qui est révolutionnaire non plus. Mais c'est vraiment de la musique de party. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça s'écoute tellement facilement. Ça donne tellement le sourire à écouter du radio-radio. Même si, effectivement, c'est pas vraiment plus mature. Mais je dirais plus classe, peut-être. Ça a un petit peu plus de classe que le premier album. Au niveau de la musique et des paroles aussi. Même si c'est pas nécessairement un album mature. Parce que c'est vrai que c'est pas empreint d'une grande sagesse, là, le son de radio-radio. Ça reste quand même un son... assez adolescent. Adolescent, ouais, c'est bon. Jeune Jean. Donc, on va écouter un extrait qu'on n'a jamais écouté ici, qu'on n'a pas entendu encore. C'est la pièce qui rouvre l'album Belmundo Régal. On va écouter la pièce « Carguer dans ma chaise ». Vous êtes à Assemblage Requis au 89.1 FM. Et dans la pochette, il y a plein de définitions des mots utilisés dans leur pièce. Un glossaire. Oui, c'est ça. Entre autres, on définit qu'est-ce que ça veut dire « carguer ». Ça veut dire « pencher avec le vent » quand on fait de la navigation par voile. Wow! Wow! Tu es diverti par la musique et tu apprends. Quand même, là. Que demander de plus? I left over, she deft on back down fucking burnack. Sur le catwalk, text mon laptop. La nuit est calme, faut que je ne presse les dames avec ma lazy walk, lazy boy, j'm'enjoy. Une bonne petite drink, say your name, enjoy. All inclusive, non intrusive. J'ose, j'ose, j'ose, j'ose. Carguer dans la chaise, à la sortie de la maze. Belle small, belle plume, dit centre à l'aise. Dire quoi si tu veux, si tu veux. Security est clear, this is a touch of rain. Rolling

Ah, qu'elle s'appelait donc Serge des Trois Accords à Assemblage Rocky. Très bon ça. On découvre l'album au fur et à mesure. Nous autres, on se lance des pièces comme ça. C'est Bientôt, il n'en restera plus beaucoup des pièces qu'on n'aura pas fait jouer de cet album-là. Non, mais c'est toujours bon. Donc, peu importe. Oui, c'est un bon passe-partout, Trois Accords. L'album s'appelle Dans mon corps. Puis en même temps, c'est à peu près le même niveau aussi que Passe-partout. Ouais, et pour le public cible d'Assemblage requis, c'est-à-dire t'sais, les gens qui ont notre intellect extrême. Là. Prématernel, exact. C'est ça. Voilà. Parlons un petit peu des talk shows américains qui ont lieu toute la semaine. La plupart sont comment dire, retirés à cause des Olympics, nous qui aimons tellement les Olympiques. Hein? Oui, en plus, on dirait qu'on se fait juger. Hein, on dirait que c'est pas admis de dire qu'on trippe pas sur les Olympiques. Mais bon. Je me demande combien de gens écoutent les Olympiques juste parce que les autres écoutent les Olympiques et juste parce que tout le monde en parle. T'sais. Moi, je me demande surtout combien de gens écoutent des compétitions de luge à part une fois aux 4 ans pendant les Olympiques. Parlons pas de luge. Hein? Non, OK. C'est déplacé un peu. Voilà. Faut pas mentionner le mot luge dorénavant. C'est rendu un mot d'année. C'est fini. T'sais. C'est ça. C'est contre ma religion. Donc, parlons des talk shows américains, eux qui ont rarement des accidents. Rarement. Commençons par hier. Hier, parce que moi, j'aime ça être très, très au courant des affaires. Non, mais sans blague, la performance est sur le site de CBS, donc c'est pour ça que j'en parle. Hier, il y avait Fan Farlow à David Letterman au Late Show. Ça, c'est à 23h35. Ouais, c'est un très bon groupe anglais qui ressemble beaucoup à Arcade Fire, qu'on a fait jouer quelques fois ici. J'aime bien Fan Farlow. Il était venu justement, il n'y a pas très longtemps, en spectacle à Montréal. Ben, non, il était supposé venir à Montréal et le spectacle avait été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de fans. De Fan Farlow. De Fan Farlow. C'est ça. Ouais, donc voilà. Très bon groupe. On va en écouter un petit peu plus tard, tantôt. Exact. Aujourd'hui, ce soir-là, vous pouvez encore le regarder à la télévision dans votre petite boîte carrée qui émet sûrement des affaires cancéreuses. À Jimmy Kimmel, ça, c'est à minuit 5 sur ABC. Il y a Sad Sadie. Apparemment, quel est le choix sur Pitchfork en ce moment, c'est ça? Une critique? Ouais, un article? Oui, un article récent. Une critique de l'album, en fait. Donc, ça veut dire que c'est alternatif, c'est sur Pitchfork. Hein? Ouais, c'est ça. Sauf que ça veut pas. On peut pas vraiment en parler plus, étant donné qu'on sait pas. Connais pas le groupe. Ça s'est pas encore rendu jusqu'à c'est fou, ça. Demain, mercredi 17, il y a Mumford & Sons à David Letterman encore. Ouais, ça aussi, c'est un groupe anglais qui sort un album aujourd'hui. D'ailleurs, je vous en parle un petit peu plus tard dans la revue des nouveautés CD d'aujourd'hui, de cette semaine. Mumford & Sons, on en reparle tantôt. Ça, c'est un incroyable lien, ça, de promouvoir ta chronique de tantôt. Hein? Je commence à découler sur toi. Tu fais de l'autopromotion. J'aime ça. Donc, c'est à peu près tout. Sinon, il se passe pas grand-chose jeudi et vendredi côté alternatif. Et encore une fois, je répète que les émissions de Jay Leno, de Jimmy Fallon et de Carson Daly, donc les trois émissions, les trois talk shows d'NBC, sont présentement en relâche à cause des Olympiques. Donc, ça enlève beaucoup, beaucoup de place pour les invités musicaux. Ces talk shows-là vont être de retour en général le 1er mars. Je sais pas si on profite pour se réunir ensemble. Tous les animateurs, tous ceux qui travaillent pas à cause des Olympiques, ils en profitent, ils écoutent les compétitions de saut à ski ensemble. Font de la luge triple. Pour inviter Jean-François Barry aussi, il est en arrêt lui aussi. Non, hey, tu sais quoi, la guerre des clans est diffusée à des heures approximatives pendant les Jeux Olympiques. Ah, pour vrai? Je sais pas si c'est des reprises, mais ouais. Je pensais qu'il avait arrêté la diffusion de la guerre des clans. Non, ben justement, t'as toute la journée des Olympiques et toute la soirée aussi, mais genre à 5h, 5h30, 6h, 6h30, dépendant, t'as la guerre des clans et du monde 360 en format d'une demi-heure. Et non seulement du mode 360 perd la moitié de son émission, mais à partir de la fin des Olympiques, il va juste y avoir une demi-heure de du monde 360 pour le restant de. Jusqu'à temps que ça se fasse retirer des ondes, finalement. Et ils veulent déménager ça en fin de soirée du Mont 360, toi. Ah, ben, c'est pas fou, ça, par exemple, fin de soirée. Comme une mission de nouvelles, genre, ouais, fin de soirée, ça peut avoir de l'allure. Un peu ouais. Comme le TVA réseau, là. Ouais. Ouais. Et non seulement ça, mais la fin de semaine, tu vas être vraiment heureux d'apprendre ça. Tu sais, le journal de début de soirée, le 17-30 AV, ça s'appelle le 17-30, c'est comme un bulletin de nouvelles parce que c'est à 5h30, 17h30. Okay. Pendant les Olympiques, ils jouent la fin de semaine, mais à 6h ou 6h30. Et Dumont 360, devine à quelle heure ça joue ça. Attends, devine. À 17h30. Bâtard! C'est pas... Non, mais... Le journal, il s'appelle 17h30, puis il passe à 6h, puis il met Dumont 360 à 17h30. Ça n'a aucun sens. Tu sais? Ouais, j'avoue que la case est libre, là, mais le bulletin 17h30 à 17h30. Dumont suivra, en tout cas. Ça doit être une question de code d'écoute. Là. Dumont, ça marche mieux. Puis le bulletin de nouvelles, 17h30, joue à 18h30. Bravo. Super. C'est comme dans le temps de la fin du monde, est à 7h, qu'ils avaient décidé de mettre ça à 6h30, eux autres. Genre 6h. Mais non, mais c'est parce que ça se disait très mal. La fin du monde est à 6h30. Mettez-le à 6h au pire, puis en tout cas, je sais pas. Mais bref, c'est quand même le fun de voir que V interrompt la présentation des Jeux Olympiques pour la guerre des clans et du monté de fois que c'est ça leur tête d'affiche finalement. La guerre des clans, c'est le moteur de V. C'est succulent. En tout cas, belle façon de penser. Sérieusement, c'est super beau. En plus que sur le site de V, la guerre des clans a déménagé d'heure. Avant, c'était à 10h le matin en reprise, c'était à 10h le soir. Ils n'ont pas encore changé leur bannière. Ça doit faire genre 3 mois que ça a changé de place. Ils ne sont pas à jour, je dirais V. Comme, je pense qu'ils ont tous mis leur argent sur les Olympiques. Le reste, pas bien grave. Éditorial ici. Bon. Donc, voilà pour le tour des talk shows. C'était ce qu'on faisait là, genre 10 minutes avant qu'on commence à parler de V. On va aller entendre un extrait de Fan Farlow. Oui, c'est ça qui était hier, où donc? À David Letterman, mais la performance est sur le site de CBS.com. Voilà. Voilà. Donc, on va écouter leur extrait Luna tout de suite. De Fan Farlow à Assemblage requis. Qui ne sera pas diffusé à V. Je pense qu'on a perdu nos chances avec V. On aurait pu avoir l'émission de TV, mais non. Non. Mais non. Thank you. Orange, orange, la pièce Montréal à moi dans Assemblage Rocky. Et oui, Mathieu, au début de l'émission, tantôt, je t'ai parlé qu'il y aurait quelques nouveautés musicales, même si ça fait pas vraiment partie des albums qui sortent aujourd'hui, parce qu'en fait, là, on est arrivé au moment, normalement, où on présente les nouveautés CD de la semaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Mumford & Sons et de T. Silver Mount Zion Memorial Orchestra. Qui ça? On s'en reparle tantôt parce que juste avant, ensemble, en fait, on va découvrir, je veux nous faire découvrir deux nouvelles pièces d'artistes qu'on connaît déjà ou qu'on connaît par la bande un peu. En fait, Zeus, c'est un groupe qu'on connaît bien, qu'on a eu dans les palmarès anglophones ici à C'est Fou il n'y a pas très longtemps parce qu'on avait reçu un EP de 4 pièces de Zeus. Et là, leur album Say Us qui va être disponible à partir qui va être en magasin en fait la semaine prochaine, le 23 février. On a reçu l'album, on a reçu la copie promo de Arts and Craft de cet album-là. Donc on va écouter une pièce qu'on connaît pas. On vient vraiment juste de le recevoir, donc ça va être vraiment de l'exploration pour nous aussi. Donc on va écouter une pièce de ce nouvel album-là. Et on va aussi écouter, juste avant, on va écouter une pièce de Jason Collett, qui est un membre de Social Broken Scene. Broken Social Scene, c'est ça. Broken Social Scene. Broken Social Scene. Et cet album-là de Jason Collett, c'est son premier, va être disponible en magasin le 9 mars prochain, donc c'est encore dans un petit bout. L'album s'appelle Ratatatat. Comme et, le groupe, finalement, ou presque. Ouais, non, c'est Ratatat. Okay, le groupe, lui, c'est Ratatatat. Ah, grosse différence, t'as raison. Il y a un tat de plus. Ah. Donc, encore une fois, pour Jason Collett, c'est un album qu'on connaît pas, étant donné qu'on vient de le recevoir. Donc, ça va être deux découvertes pour nous, tout comme les auditeurs. Donc, on écoute ça tout de suite. Et ensuite de ça, on va vraiment entrer dans les nouveautés d'aujourd'hui, le 16 février. Donc, on écoute la pièce Lake Superior de Jason Collett à Assemblage Rocky. Without your mind, flesh, silver. line. A sleeping giant and a legend in a silver mine. Get your gooey ways, beat your bloody feet high. A chip with emotion, storming on my mind. No showing how I'm leaving in. Come back now. Donc, un extrait du nouvel album de Zeus qui s'appelle Chaos. La pièce s'appelle How Does It Feels et l'album sort la semaine prochaine, le 23 février. Juste avant ça, on avait entendu Jason Collett du collectif Broken Social Scene. Cet album-là est prévu pour le mois de mars. Donc, c'est des nouveautés un peu à l'avance, juste avant de parler des nouveautés de cette semaine. Mais avant d'aller aux nouveautés de cette semaine, on va faire une petite pause. Vous êtes à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou 89.1. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Et si vous étiez avec nous tantôt, ben on écoutait quelques nouvelles affaires. Some new stuff. Hein? Hot stuff. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des nouveautés qui sont arrivées cette semaine, aujourd'hui même à la station, mais qui, dont les albums sont pas sortis encore. Mais maintenant, je vous parle des sorties d'albums vraiment pour aujourd'hui, 16 février. Il y avait pas grand-chose. En fait, il y avait, comme d'habitude, il y a plein de toujours un paquet de sorties d'albums, mais pas toujours des choses qui nous intéressent. Il a fallu que je cherche, je vais t'avouer, pour trouver des choses intéressantes, et puis même que c'est des découvertes pour moi, c'est des groupes que je connaissais pas vraiment, parce que dans ce qui était plus connu, il y a quelques sorties d'albums notables aujourd'hui, mais vraiment pas rien qui était diffusable ici dans comme l'émission. Comme quoi, je veux savoir. Ah, comme ça, je m'en souviens pas. Je peux t'en nommer. Je pourrais faire du name dropping tantôt si tu veux. Mais nous, on va se concentrer sur deux petites sélections que j'ai faites comme ça. Donc, ça va être des découvertes, encore une fois. Premier groupe, qui n'est pas un nouveau groupe, hein, par contre, ça existe depuis plus de 10 ans maintenant. Le groupe s'appelle maintenant T. Silver Mount Zion Memorial Orchestra. Mais c'est un groupe qui a eu vraiment un paquet de noms à travers le temps. En fait, à chaque album qui sort, change le nom du groupe. Ah oui. Modifie, en fait. Il y a comme un dénominateur commun là, au travers de ça, c'est Silver Mount Zion. Mais puis ça fait référence le mont Zion, c'est une histoire religieuse, en fait. C'est situé en Israël, et puis le groupe est d'origine juive. Le groupe est basé à Montréal, mais ont des origines juives, et puis c'est vraiment une référence religieuse à la religion judaïque, et un mont qui existe vraiment quelque part en Israël. Et c'est ça, le groupe existe depuis 1999. Ils ont eu vraiment un paquet de noms. Au début, c'était A Silver Mount Zion. Ensuite, The Silver Mount Zion Memorial Orchestra and The Tralala Band. Ensuite, en tout cas, il y a eu un paquet de modifications comme ça. And Tralala Band with Core. Donc, ils en rajoutent à chaque fois. Ben là, il y a eu une progression à chaque album, ils en ont rajouté un petit peu plus, puis là ils sont comme revenus à une version un petit peu plus simple. C'est peut-être qu'ils essaient de faire une forme avec le nom de la, tu sais, plus c'est long, puis ça fait comme une pyramide à la fin, je sais pas. Ah, peut-être, ouais, ou peut-être c'est un acronyme qui varie à chaque fois aussi, je sais pas. Mais bref, ils ont choisi cette formulation là pour leur cinquième album, donc la cinquième fois que le nom change de forme. En fait, c'est même leur sixième. Il y en a eu cinq avant, donc ça, c'est leur sixième. L'album s'appelle Collapse Traditionals, avec un X. Et c'est ça, c'est un style, c'est assez progressif, je te dirais. Et le groupe est vraiment formé d'un paquet d'artistes, de musiciens qui collaborent à un paquet d'autres groupes sur la scène prog montréalaise. Mais vraiment des groupes assez obscurs. Là. J'en ai lu un paquet, puis tu vois, je m'en souviens plus vraiment, parce qu'en fait, c'est vraiment des noms que je connaissais pas. Sûrement que pour quelqu'un qui connaît vraiment la scène prog et post-rock montréalaise, sûrement que ça leur dirait quelque chose. Le groupe qui est peut-être qui est le plus souvent cité, je dirais pas le plus connu, mais le plus souvent cité, donc probablement le plus connu, c'est Godspeed You, Black Emperor. Oui. Tu connais ça? Bon. Le nom, oui. OK. Donc, il y a quelques musiciens de ce groupe-là qui forment T. Silver Mount Zion. On va l'appeler comme ça. On va utiliser la version abrégée pour le reste de la chronique. Donc, c'est ça, c'est leur sixième album. Et on va écouter une pièce. La pièce s'appelle I Built Myself a Metal Bird. Donc, on va écouter cet extrait de l'album Collapsed Traditionals de T. Silver Mount Zion. Assemblage requis au 89 FM. C'est fou, tu vois, c'est fou dans tes oreilles. The Silver Mount Zion Memorial Orchestra. Avec la pièce I Built Myself a Metal Bird. Donc, il faut quand même être amateur du style. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de jouer ici, mais je trouvais que c'était quand même digne d'intérêt. Oui, tout à fait. Ton prochain choix musical en nouveauté, là? Oui, ben en fait, t'en as parlé un petit peu tantôt quand tu faisais le survol des prestations musicales dans les shows de fin de soirée. T'as parlé de Mumford & Sons, qui est un groupe anglais. Ils vont être en fait à Letterman demain soir. Et c'est leur premier album complet, eux, c'est un groupe anglais. Leur premier album complet, ils ont déjà fait 3 EP depuis 2008, donc ils sont quand même assez productifs. Le groupe existe seulement depuis 2007, ils ont fait 3 EP et c'est leur premier long jeu qui sort aujourd'hui. L'album s'appelle Sight No More. Et c'est un groupe anglais, donc avec les influences anglaises modernes, je dirais. Vous allez voir au début de la pièce qu'on va écouter, ça ressemble même un peu à du Coldplay. Ça peut paraître déplaisant au début, vous allez voir. Ah. Mais ben, en tout cas, sauf pour ceux qui sont de très grands fans de Coldplay, j'imagine qu'il y en a. Mais, pas ceux qui sont assez fous en ce moment, mais il y en a, oui. C'est ça. Donc, vous allez voir au début, là, peut-être que vous n'aimerez pas ça, mais aussitôt que la musique commence, il y a vraiment des influences assez différentes de la musique typiquement anglaise. C'est assez folk comme musique. Donc, vraiment des influences nord-américaines. C'est ça. Beaucoup de banjo, en fait, dans leur musique. Donc, tu vois les influences. C'est pas très Coldplay, finalement. Et tu vois mes références quand je dis « Est-ce qu'il y a du kazooie? » Banjo et kazooie, c'est une série de jeux vidéo. Ha ha ha ha ha! Tout le monde rit. Très belle référence. Merci. Donc, je vous suggère, comme ça, pour faire changement de ce silence et de ce malaise, d'aller écouter la pièce The Cave, extrait de l'album Sight No More de Mumford & Sons. Tu connais pas Banjo et Kazooie pour vrai? Vraiment pas. C'est tellement, c'est comme un petit oiseau, puis un ours. Qui est Banjo et qui est Kazooie? Je crois que Banjo, c'est l'ours, Kazooie, c'est l'oiseau. Ouais. Pas très informé, hein? La suite s'appelait Banjo-Tooie, comme dans deux. Oui. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans through my tears. And know my call despite my faults and despite my growing fears. But your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now and I need to know to live my life as it's meant to be. Mumford & Sons. Oui, si ça vous intéresse de voir en prestation, sont à Letterman demain sur CBS. Ça, c'est à 23h35. Vous êtes à Assemblage requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Oui, dans une quinzaine de minutes, Émilie Gauthier va venir nous rejoindre pour nous faire ses suggestions plein air avec un spécial olympien, je crois, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Elle va nous parler de plein de choses dans cette belle chronique-là. Permettez-moi de vous en parler un peu, hein, des sujets qu'elle va aborder bientôt dans sa chronique. Veux-tu sortir avec moi, chronique plein air? Hein? Le site veut pas du tout, t'sais. Bon, non, pas du tout. Mais de toute façon, c'est pas grave, c'est dans environ 15 minutes qu'elle va être là, donc on n'aura pas à attendre longtemps avant de la voir elle-même nous parler de tous ces trucs. Pour l'instant, on pourrait retourner en musique. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une excellente idée de retourner en musique. Moi, j'apprécie beaucoup l'idée. Je trouve que c'est très, très particulièrement original. On va aller réentendre le groupe qu'on a découvert hier. Waving Hand? Waving Hand, oui. Tu sais, j'avais fait un petit jeu de mots sur le fait qu'on faisait Tata Salut, genre. Ouais, ce groupe-là, parce ben, que... Ton jeu de mots n'était pas super bon hier, donc je me questionne quant à la nécessité de le répéter aujourd'hui. Et demain, t'en dis quoi? Ben, en tout cas, tu vas toujours essayer voir si ça va être meilleur. Là. Parce qu'en même temps, à chaque fois, ton jeu de mots se dégrade un petit peu, il faut que tu l'expliques, puis là, il y a des éléments qui sont plus là, donc je pense que c'est de moins en moins pertinent de le répéter. Ouais. Est-ce que tu penses que je devrais comme lui faire au revoir, comme bye-bye avec ma main? Comme... Ouais, puis de plus jamais en parler. Là. OK. Je te garantis rien, par exemple. Waving Hand. Le bal masqué à Assemblage requis. Partout me fait sourire à mourir. Je respire une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Bravo Funkin avec la pièce Les animaux, ça se retrouve sur le palmarès francophone de C'est fou. Vous êtes toujours Assemblage Requis et maintenant, c'est le moment de recevoir et de parler plein air avec Émilie Gauthier. Non mais tu sais, je dis les gens sont chanceux là. C'est-tu ça? Tu savais ça? Tu savais de ça? Ben oui. Tu savais? Je savais. Je t'apprends rien? Non. C'est bon. Salut Émilie! Hello! Ça va? Ça va bien, ça. Ben oui, t'es sortie, toi, dehors cette semaine, j'imagine? Ouais. Non? Ben, les températures sont pas excellentes pour les activités sportives hivernales. T'as raison. Y a plus grand neige, je vais te dire. Ben, ça dépend où, là. À Vancouver, y'en a pas. Ouais, à Vancouver, y'en a pas. Peut-être qu'à Vaudreuil non plus, mais ici, c'est encore pas si pire, je trouve. Là, en Mauricie. Ben, faut que tu saches où aller, par exemple. Ouais. Qui est beaucoup d'asphalte, je trouve, pour un mois de février. Ouais, sur l'autoroute, il y en a quand même pas mal. Ah, ça doit être ça là-bas. Ouais. À Melocheville, c'est comment? Il y en a quand même beaucoup, je dirais. Ouais. Ouais. Mais c'est une petite ville qui a beaucoup de champs et de forêts, donc. Voilà. Et c'est super intéressant. Eh ouais. Donc, spécial olympique aujourd'hui. Ben, un genre de. T'as essayé en tout cas? J'ai essayé. Ben, j'ai pris les sports qui se pratiquent aux Olympiques, comme le biathlon, le bobsleigh, le curling, le hockey, la luge, le patinage, le ski alpin, le ski de fond, le snowboard. Mais je me suis dit que c'était pas toutes des activités qui pouvaient se pratiquer sans installation spéciale. Mm-hmm. Donc, j'ai essayé d'axer ma chronique un peu plus sur un spécial olympique version accessible à tous. Donc la tire sur de l'érable, créer du carpet. Tire sur l'érable, parce que pour moi, c'est mon activité sportive d'hiver. Là. Tourner le poignet, c'est pour la tire. Ah, mais non. Chris Carpet, c'est une bonne idée. Ça ressemble un peu à du skeleton. Ben oui, face première, des ben fois, oui. Tu peux. Ben oui, alors Chris Carpet, c'est idéal, là, peut-être la première, non? Tellement. Ben oui. J'ai pas trouvé de place qui disait, venez y amener votre Chris Carpet. Non, mais dans les centres d'achat, d'habitude, il y a des belles buttes de neige glacée. Si ouais. Tu veux te risquer, tu m'en donneras des nouvelles après. Ouais, OK. C'est OK, bon. C'est bon. Tue-toi pas, là. Mais je pensais plus parler de ski alpin, snowboard, ski de fond, patin, hockey et ben pas vraiment de la luge, mais plus de la glissade sur tube. Cool. C'est un peu plus sécuritaire. Bon. Par quoi on commence? Le Mont Carmel. C'est un site qui est quand même tout près d'ici, c'était à environ 10 minutes. On peut pratiquer beaucoup de disciplines que j'ai décidé d'axer ma chronique dessus aujourd'hui. C'est une belle phrase en anglais traduite simultanément en français. Ouais, ça, c'est vrai. Hein? Ouais. On travaille fort aujourd'hui. On peut faire du ski alpin, de la planche à neige, du ski de fond, on peut patiner et on peut faire de la glissade sur tube. Puis même hors olympique, on rajoute la raquette. Voilà. Il n'y a pas de raquette aux Olympiques? Non, c'est mais il y a du curling, par exemple. C'est ça. Très logique. C'est un peu moins plein air, par exemple. Aucun lien entre les deux, mais ouais, c'est très léger. Je sais. Tu sais, il y a plus de liens, je pense, entre la raquette et le tennis aux Olympiques d'été. Ah, j'avoue. Ouais, peut-être ouais. Plus. Fait que, hein? Oui. Mont-Carmel. Ben oui, Mont-Carmel. Pour le ski de la planche, il y a 13 pistes disponibles en belle saison pour 3 remonts de pente. Ces temps-ci, ça tourne plus autour de 6-7 pistes d'ouvertes, justement, parce que... Il fait chaud et ça fond. Hey, parlant de remont de pente, est-ce que tu vas aller voir le film où il y a des gens pris dans un remont de pente? Là, c'est comme un genre de film thriller, horreur. Là. Les gens sont pognés là, puis là, la main, tu vois la main de la fille pognée sur le barreau, puis là, ça arrache toute la peau. C'est écœurant, ça a l'air fou, raide. Mais j'ai pas vu ça. C'est, ouais, ça c'est s'appelle Frozen. C'est un vrai film, là? Oui, ça a l'air écœurant. Mais j'ai même pas vu cette bande-annonce-là. La fille, la main, sa peau! Arc. C'est sûr que tu vas aller voir ça. Mais c'est quoi le film? Tout le long, ils sont pris oui. Dans un... C'est un film à concept, je te jure. Les gens, ils vont faire du ski, ils vont dans le remont de pente, puis c'est ça le film au complet, là. Wow. Frozen. Ah, ben, je checkerai ça. Ben, s'il te plaît. Et viens nous en faire la critique, parce que ça s'appelle du plein air, ça. Du remont de pente. Allô? D'accord. Je vais aller voir si ça vaut la peine. OK. S'il y a un beau une étoile sur Internet. C'est ça. Ça vaut peut-être plus, bébé, plus. Faut débourser entre 15 et 25 $ pour accéder aux pistes. Ça dépend du bloc d'heures qu'on prend, là, si c'est en après-midi ou toute la journée. Puis le billet donne droit à la glissade sur tube. Donc, si on veut faire les deux, on n'a pas besoin d'acheter un billet et pour la glissade et pour le ski. Ouais, pour le ski, là, c'est l'idéal pour commencer, je pense. Pour quelqu'un qui en a jamais fait, peut-être, là, du ski ou de la planche à neige, parce que c'est pas, c'est pas un gros mot. Ouais, c'est ça. Si vous êtes intermédiaire ou avancé, vous n'aurez pas vraiment de plaisir. Peut-être plus à la vallée du parc. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour les débutants, là, c'est l'idéal. Ou quelqu'un qui en fait une fois par année puis qui est comme rouillé, là, ouais. Je pense que ça pourrait être pire. Sinon, pour le ski de fond, il y a trois pistes d'une longueur de 2,5 à 10 km. C'est gratuit. C'est gratuit aussi pour aller accéder à la patinoire. C'est gratuit pour faire de la raquette. Il y a un sentier de 2,5 puis un sentier de 5 km. Finalement, il y a la glissade sur tube qui se pratique 8 couloirs de 1600 pieds, 2 remonts de pente. Et c'est 12 $ pour une journée complète. On peut louer les équipements nécessaires pour le ski alpin, la planche, le snowblade, le ski de fond, puis un petit service de restauration. Donc, plus d'informations au www.skimontcarmel.com. Mais il n'y a pas de tir sur l'érable ou de tir sur la neige. C'est non. L'érable sur la neige. Non. Non. Non. Pourquoi on dit ça, tir d'érable sur la neige? Tire sur la neige? C'est de la tir sur la neige, je pense. Je pense pas vraiment que c'est de la tir d'autre chose que d'érable. C'est ça, un film là-dessus, là. Ce serait génial. Sur quelqu'un qui, dont le bâton est pris pendant tout le film dans la tire. Il y a de la misère à la sortir. Hein? Il tourne, il tourne. Finalement, il réussit à le prendre, mais là, la boule est rendue trop grosse. Il peut pas de la mettre dans sa bouche. Là, il mord dedans, puis il reste pris comme ça. Puis il meurt gelé. Waouh! Ce serait malade. J'aurais des frissons déjà. Ce serait comme le Saw 7, là. Ouais, c'est nouveau, ça. Là. Il savait plus quoi inventer. C'est un gars avec la tire sur le neige. Voilà. Malade. OK, donc après le Mont-Carmel, pour commencer, les informations sont sur skimontcarmel.com. Bon. C'est ça. C'est à peu près à 10 minutes de Trois-Rivières. Là. C'est bon. On passe à Saint-Jean-de-Matha. Oui. Moi, je suis déjà allée. Puis, je vais vous dire que l'attrait principal, c'est les super glissades. Et ça vaut la peine. C'est vraiment un beau site. Puis, il y a vraiment beaucoup de glissades. Il y en a environ 17. 3 pour Boutchou, donc des petites pistes débutantes de glissade. 9 pistes familiales, 5 pistes pour tous, mais je vous dirais que celle familiale et pour tous, c'est vraiment le fun pour tout le monde. Là. C'est pas familial égal cucu, ça glisse pas. Là. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça valait la peine. On peut glisser tout seul ou en groupe jusqu'à 12 personnes. Puis un étudiant doit débourser 23 $ pour accéder aux glissades. Un adulte, c'est 27, je crois. Il y a les glissades, mais le site, il y a aussi d'autres activités. Il y a un anneau de glace de 2000 pieds basé sur un lac. Fait que si vous voulez aller patiner, moi, je pense que c'est quand même une belle expérience. C'est le fun de patiner sur un lac. Pas sur une fake patinoire. Là. Une vraie patinoire sur un lac, c'est le fun. Oui, t'es pas fake, toi. Faut du vrai affaire, des vraies affaires. Ouais. Ouais. Ouais. Bon. Puis tu peux louer des patins si t'en as pas. Des vrais patins? Des vrais. OK. Toujours. Il y a aussi 7 pistes de ski de fond. Qui totalise 66 km de sentiers en forêt. Une pour débutants, deux intermédiaires, deux expertes et une piste experte avancée. Oh. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait peur. Les deux mots ensemble, hein, c'est dangereux, je pense. Expert avancé, c'est comme le double losange en ski alpin, je pense. Moi, je savais pas qu'il y avait des degrés dans l'expert. Là, en ski de fond, c'est dans le fond que t'as des montées plus abruptes ou des trucs comme ça. Expert avancé, j'ose pas trop imaginer que ça ressemble à quoi à la piste. Ça me fait peur. Bref. Du bungee sur ski, peut-être. Mais Mathieu, tu iras? Sans corde. Oui, ben oui. Oui? Ben oui. Ça serait drôle de voir Mathieu faire une piste comme ça. Ouais, la piste expert avancée. Je sais pas s'il y a un contrôle, hein. S'il exerce un certain contrôle sur qui a accès aux pistes expert avancées. En même temps, ils font quoi? Ils font passer un test, peut-être, aux gens pour voir s'ils sont de vrais experts avancés. Mais de toute façon, c'est sûr que Mathieu... pas faire. Tu me parlais de décalade hier, ça avait l'air facile quasiment, la façon que c'était super sécuritaire et sécurisé, là, puis ça me faisait, tu voyais ma face, non. Ouais, non. Mais le ski de fond, là, t'aurais de la misère à faire du ski de fond? Ben là, dans la piste débutante, est-ce qu'il n'y a pas un débutant reculé, s'il y a un expert avancé? Ah ouais, peut-être. Ah. Je penserais pas. Débutant attardé? débutant attardé, c'est... Va-t'en dans le parking avec tes souliers, puis avance sans lever tes pieds. Vendu. Est-ce que je mets du fart? Non. Non. Parce qu'après ça, t'aimeras pas ça marcher sur du plancher dans l'université avec du fart en dessous de tes souliers. Du fart ou du fart? Fart. Je sais pas. Il y en a qui le disent de toutes les façons. Fait que... Disons du dire primer. De la cire aussi. La cire, ben oui. Il y en a beaucoup qui disent ça. Bon. Hey, super. Site web, c'est golfmata.com. Ouais. C'est ça. C'est ça. Il y a aussi de la raquette. Il y a un service de restauration. Tous les billets de glissade comprennent une balade en traîneau à chevaux gratuitement. Puis c'est environ 1h20 de Trois-Rivières. C'est ouvert 7 jours par semaine. Donc, golfmata.com dans la section glissade et activités hivernales. Maintenant, on parle de hockey et de patin. Oui, il y en a beaucoup aux Olympiques. Patin de artistique, patin vitesse, hockey. D'ailleurs, on est assez pas pire dans le hockey, je trouve. Ben oui, hein? C'est quoi, 18-0, le Canada féminin? Oui, mais apparemment, les Slovaques qui se sont fait battre 18-0 ont déjà battu une équipe 82-0. J'ai entendu dire ça, mais je sais vraiment pas si c'est vrai. Là. J'en doute fortement, mais bon. Ouais. C'est pas comme au basket que tu peux faire 3 points, là. C'est un par un. Ouais, c'est... En tout cas, hein? Fait que patin ou hockey... on a, à Trois-Rivières, il y a beaucoup de patinoires extérieures. Fait que moi, je vous dirais, pour le hockey, le patin, de visiter les patinoires de votre quartier pour connaître les horaires de patin libre, les horaires de hockey. Si vous ne savez pas où est-ce qu'ils se situent les patinoires dans votre coin, vous pouvez aller sur le site de la ville de Trois-Rivières dans la section « Services aux citoyens ». Le lien va être sur le site d'Assemblage Requis. Oui, le lien complet va être là. Mais si vous voulez y aller par vous-même, si vous allez sur le site de la ville de Trois-Rivières, section services aux citoyens, après ça, dans la marge de gauche, il va y avoir patinoire extérieure. Tout là, il va y avoir, vous pouvez sélectionner votre secteur, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Sainte-Marthe-du-Lac, Trois-Rivières-Ouest, et j'en oublie un. Je m'en souviens plus du tout de l'autre. Désolée. C'est ça, puis de là, il y a toutes les patinoires qui sont écrites avec les heures d'ouverture. Donc, de là, vous pouvez vous rendre directement dans le petit chalet, demander... quelles heures c'est du patinage libre et quelles heures c'est du hockey. Il y a une patinoire ici aussi à l'UQTR. On a déjà parlé dans une de tes chroniques, donc si ça vous intéresse. Mais c'est pour du patinage libre, par contre. Oui. Voilà. C'est du patinage pareil. Je connais pas la différence entre eux. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de patinoires que, mettons, de 8h du matin à midi, c'est du patinage libre. Midi à 2, c'est du hockey. Tu peux pas aller faire du patinage libre pendant les heures que c'est écrit hockey. T'es dans les jambes, sinon. Ben, s'il y a personne sur la glace, vas-y. Mais s'il y a une équipe qui arrive, t'as pas le choix de t'en aller. Ils ont priorité. Voilà. D'accord. Ensuite, festival de quartier, il y en a... C'est pas mal d'un dernier. Il y en a deux qui se déroulent dans le secteur de Trois-Rivières samedi prochain, le 20. Premièrement, il y en a un dans le secteur Saint-François d'Assise. On a une journée d'activité avec de la tire sur la neige, Mathieu. Ah! Voilà. Il était temps, là. Voir des glissades puis de l'animation musicale. Puis aussi, dans le secteur Sainte-Thérèse, il y a une journée avec des activités sportives, des glissades et un dîner au hot dog. Wow! Fait que tu vas faire les deux. Pour le hot dog à la tire, ça? Non? J'en doute beaucoup. Ah! Ça fait comme un pogo sucré, dans le fond. Mmh. Au pire, va dans le secteur Sainte-Thérèse, chercher ton hot dog. Puis après ça, va-t'en dans le secteur Saint-François, mettre de la tire dessus. Génial. Tu peux faire ça. Ça ressemble à ce qu'ils font chez Valentine. Excuse-moi. Donc, ça, c'est pour les festivals de quartier. C'est ça? C'est tout? Oui, c'est tout. Il y en a juste deux. Et on finit avec l'île Saint-Quentin. Oui, dimanche prochain, le 21, il y a une journée cabane à sucre. Encore une fois, de la tire. À l'île Saint-Quentin, c'est ça. La journée débute vers 9h avec l'ouverture des activités régulières comme le patin, glissade, raquette. De 11h à 13h30, on sert un repas de cabane à sucre, soupe au pois, omelette, jambon, saucisse, pommes de terre, fèves au lard, grillade, pain, tarte au sucre, breuvage. Il manque les oreilles de Chris! Ben, c'est peut-être dans grillade de lard salé. Ah, c'est peut-être ça, hein? Ouais, je pense que oui, c'est ça. D'après moi, c'est ça. C'est un petit peu trop technique comme terme. Ouais, c'est ça. Ça vient du latin, ça, j'imagine. Sûrement. On sait bien le latin. Sûrement. Griades de... Del Christus. C'est ça. Sûrement. C'est environ 11$ pour un adulte et 8$ pour un enfant, ce qui est pas cher pour un repas de cabane à sucre. D'habitude, c'est quand même plus dispendieux que ça. Ensuite, de 12h30 à 16h, plusieurs activités. Il y a un spectacle de musique, des tours de traîneau à chien, des tours de carriole, un parcours de kart à pédale. On aime ça, je pense, dans les festivals. Hein? Dans les festivals. T'as essayé de Valvo dire. En même temps, ça fait un beau mot. Ouais. Mais voilà. Ouais, je sais pas, j'imagine qu'il doit y avoir une compagnie qui fait ça à Trois-Rivières puis qui ont réussi à vendre le concept dans tous les festivals. Mais je sais pas si vous avez vu, là, moi je les ai vus pendant les nuits polaires, là, les cartes à pédale. Donc ça a l'air drôle quand même. Oui. Mais tu sais, moi, j'aurais tellement de la misère si j'utilisais ça à pas juste me sauver avec. C'est sûr que ça va à la vitesse de quelqu'un qui marche. Probable. Ouais, donc c'est ça. Ouais. C'est comme un bicycle, mais plus bas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme un genre de big wheel, mais avec quatre roues. Mais il me semble que j'en avais un chez nous quand j'étais petite, quelque chose de même. Ouais, ouais, c'est quand même. Il y a plusieurs formes, plusieurs modèles. Là, de ça ressemble à une petite Formule 1, mais à pédale. Ouais, c'est ça. Tout ça. Sinon, il y a une dégustation de tir sur neige, il y a un feu avec une animation. Le site va fermer vers les 17h comme d'habitude. Fait que pour entrer sur le site, on doit débourser 4$ par adulte, 1,50$ par enfant. Puis toutes les informations de la journée sont sur le site www.ilsaintquentin.com. Ça a l'air vraiment bien, ça, comme activité. Oui. J'aime l'idée. Moi aussi. Super. Il me semble que c'est tôt quand même hein, pour cabane à sucre déjà. Ouais. Ben c'est sûr, je me suis dit. Il me semble d'habitude c'est plus printemps. Mais c'est pas le sirop provient pas nécessairement de l'île, donc... De plus du IGA, d'après moi. Mais peut-être plus, ouais. C'est du habitat. Mais en même temps, ça donne comme ça, mais présentement, là, dehors, on a des conditions printanières. Ouais, c'est inhabituel, là, mais ouais. Ça donne bien quand même. Voilà. Voilà. C'est tout. Bon. T'as bien fait ça. Belle grosse chronique remplie de vraiment plein de choses et de nourriture. Plein de et d'activités, j'adore. Ça débordait de partout, là. Fallait choisir ce que je prenais, là. Je peux pas t'avoir. Juste pour vous. Mais oui. Tu te donnes. Oui. Donc, tu vas continuer à suivre le tournoi de hockey olympique pour nous? Ah oui, oui, oui, tout à fait. Parfait. Non, je vais essayer. Là. Fais tes prédictions. Il y a ta radio, là, t'as la chance de faire des vraies prédictions puis que tu sois prise pour... Canada, autant masculin que féminin, on va gagner la médaille d'or. Combien de médailles? En tout, là. Au hockey. Non, en tout. Ah, oh, en tout, oh. Présentement, on est troisième. Moi, je dis qu'on va finir deuxième. Le nombre de médailles, je sais pas, mais moi, je dis qu'on va finir deuxième au classement. Bon, c'est écrit maintenant, c'est noté. Ouais. Ça pour acquis. Oui. Mener ça à la banque. Oui. Bon. Merci, Millie. On te retrouve mardi prochain. Oui. Je m'excuse encore pour tout ce que je fais dans la vie. C'est pas grave, Mathieu. On t'aime comme ça, tu sais. Ouais. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On remercie encore une fois Émilie qui va être de retour la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi, ici à l'émission. Nous, on prend une petite pause. Oui, mais restez là, reste encore une vingtaine de minutes à l'émission. Hey, on a reçu une TV. On va pouvoir regarder les Jeux Olympiques, je pense, à un moment donné, en direct à la radio. Waouh! Ça va être écœurant! Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Le bon Michelin dans tout temps. Vous écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. Artist of the Year est la pièce Oh là là de leur album Velours Brigade ici à Assemblage Requis. Et ça t'a surpris comme changement pour Artist of the Year un petit peu là? Ouais, moi je connais pas tant ce groupe-là. Je sais que toi, c'est un groupe que t'aimes vraiment beaucoup. Tu connais beaucoup leur œuvre. Mais généralement, la musique qu'on entend d'Artist of the Year, c'est beaucoup plus rythmé. Ouais, ça, c'est limite agressant des fois. Mm-hmm. Mais ça, c'était vraiment très très cool ça. C'était trendy. Ouais, je savais pas que Artist of the Year faisait aussi de la musique comme ça. Et tu me disais que sur cet album-là, il y a d'autres pièces aussi dans ce genre-là. Il y en a qui sonnent tropical un peu. Je trouve que le style est vraiment très, très bon. Cet album-là, Velours Brigade, est vraiment magnifique. Kiwan, parlant de surprise. Surprise! Je te surprends, on l'a pas dit avant, mais on se fait une petite chronique technologique CNX, OK? Allons-y avec une petite vite. Cybercrime. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on fait cybercrime. Donc, on parle de choses croches qui sont passées. Ça peut être illégal, ça peut être sur Internet, pédophilie, des crimes, des affaires technologiques, mais croches. C'est rare, ça, qu'on fait une chronique cybercrime. Oui, ça arrive de moins en moins souvent, on dirait, il me semble. Mais c'est très intéressant. On commence avec une nouvelle assez intéressante de l'Associated Press. Vous avez peut-être entendu parler de ça depuis les derniers jours. Le plus important syndicat du Royaume-Uni a affirmé que le transporteur aérien British Airways a suspendu 15 membres de ses équipages de cabine en raison de propos mis en ligne sur leur page Facebook. Le syndicat Unite estime qu'il s'agit d'une décision inacceptable. Un porte-parole du transporteur a simplement confirmé qu'une douzaine d'employés avaient été suspendus le temps que soit complétée une enquête interne. UN Fordyce a ajouté que plusieurs motifs pouvaient entraîner une suspension, notamment la mise en ligne de commentaires inappropriés. L'homme n'a pas voulu fournir de détails supplémentaires, affirmant seulement que le transporteur ne tolérera pas l'intimidation de ses employés. British Airways est coincé depuis un bon moment dans une querelle avec ses équipages de cabine au sujet des salaires, de la sécurité d'emploi et des conditions de travail. Le syndicat a demandé un vote de grève à ses membres. Passons à un expert qui déjoue une puce sophistiquée de l'armée américaine, selon l'Associated Press encore une fois. Un ancien expert en sécurité informatique de l'armée américaine a trouvé le moyen de déjouer une des puces les plus sophistiquées qu'elle utilise, notamment pour protéger ses secrets les plus délicats. L'attaque pourrait forcer les ordinateurs à révéler des informations qu'on croyait autrement entièrement à l'abri. Cette découverte démontre que les espions et d'autres pirates bien financés peuvent potentiellement mettre la main sur des secrets militaires et industriels. Elle survient au moment où les experts s'inquiètent de plus en plus des attaques informatiques lancées par des gouvernements étrangers. Le genre d'attaque développé par Christopher Turnovsky est difficile à accomplir, entre autres parce qu'elle nécessite l'accès physique à l'ordinateur ciblé. Les portables sont toutefois fréquemment volés ou perdus et les données recherchées par les espions auraient une valeur suffisante pour justifier une opération d'espionnage d'envergure. Monsieur Turnovsky a découvert comment déjouer les puces identifiées comme Trusted Platform Module ou TPM qui sont présentées comme étant les plus sécuritaires de l'industrie. La firme IDC estime qu'on retrouve 100 millions de ces puces dans des ordinateurs personnels et des serveurs. Quand elles sont mises en fonction, ces puces renforcent la sécurité en numérisant les données pour empêcher les gens non autorisés de prendre connaissance du contenu d'un ordinateur. Un mot de passe supplémentaire ou même une empreinte digitale sont alors exigés quand l'ordinateur est allumé. La police chinoise a démantelé une école de pirates informatiques qui recrutait ouvertement des milliers d'élèves en ligne et leur dispensait des conseils pour mener des attaques informatiques en répandant des virus malins, ont indiqué les médias chinois. C'est rapporté par l'Associated Press encore une fois. Le tour de vis intervient alors que la Chine est désignée comme un centre mondial de la criminalité sur Internet. Le géant informatique Google a notamment indiqué le mois dernier que ses services de courriel avaient subi des intrusions à partir de Chine. La police de la province de Hubei a arrêté trois hommes soupçonnés de diriger le réseau de sécurité Aigle Noir, Marie-Carmen, qui enseigne les techniques d'attaque informatique et diffuse des virus indiscrets. Les chevaux de Troie, rappelle le quotidien du peuple, permettent d'accéder illégalement à distance à un ordinateur. Plusieurs journalistes étrangers en contact avec des dissidents chinois ont subi de telles attaques. L'école de pirates avait recruté 12 000 apprentis et collecté plus $1 million en frais d'inscription. Quelques 170 000 autres internautes avaient adhéré gratuitement et la police a saisi un véhicule, 9 serveurs et 5 ordinateurs. Ils ont aussi gelé des biens évalués à $250 000. C'est quand même paradoxal là, quand on sait toute la censure puis la répression qu'il y a vis-à-vis Internet en Chine. Donc ça crée ça finalement, tu sais, de vouloir réprimer les gens puis leur dire non, faites pas ça, c'est mal. Ben ça fait que ça pousse le monde à le faire finalement. Ben oui, c'est comme dit à quelqu'un de pas faire quelque chose puis il va le faire. T'sais. Comme dans l'histoire d'Adam et Ève. Parfait, pareil, c'est ça. Avec la pomme puis le. Ouais. Google a retiré les images d'une scène de meurtre survécue en Ontario le 21 juillet 2009 de son service de géolocalisation Street View, qui d'ailleurs est à Trois-Rivières maintenant, vous le savez peut-être. La voiture de Google était passée près du lieu du meurtre quelques heures après le drame et avait capté puis intégré dans son service des images de la zone délimitée par les rubans jaunes de la police ainsi qu'une flaque de sang. OK, ils n'ont pas filmé le crime en tant que tel. Non, c'est ça. Jusqu'à très récemment, les internautes pouvaient encore agrandir la zone virtuelle correspondant à cette localisation, mais Google a dû retirer les images de Street View après en avoir été averti. Google venait d'ajouter cette semaine les images de la ville de Windsor et de 130 autres villes canadiennes à son service Street View. C'était plutôt la semaine dernière, oui. Après avoir retiré les images dérangeantes, Google s'est excusé si les images de la scène de crime avaient offensé certains internautes. Un carré noir remplace maintenant les images en 3D. Nicholas Ingram, un jeune homme de 24 ans, s'était fait assassiner dans le stationnement du Leopard's Lounge and Broil de Windsor. Les images de la ville de Windsor en Ontario par le véhicule de Google avaient été prises lors d'une grève des employés de la ville. Ça signifie que la ville de Windsor apparaît aux yeux des internautes du monde entier, ensevelie sous les déchets et des sacs d'ordures. Voilà. Ben bon pour eux autres. Ben oui. Ben t'es fin. tu sais, je vais te laisser choisir entre les derniers sujets. Toi, t'as l'œil, t'as le pif pour ça. T'as le choix entre eBay qui doit dédommager Louis Vuitton. Hein? T'as les sacs à main. Apple qui bannirait les débloqueurs d'iPhone de son iTunes App Store. T'as Facebook qui supprime une trentaine de pages de prisonniers qui faisaient de l'intimidation. Et Windows 7, une mise à jour pour détecter les copies illégales. La première que t'as dit. La première avec Louis Vuitton? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Censuré, c'est ça? C'était... eBay va devoir dédommager. Dédommager, ouais, c'est ça. Dédommager. Le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société de vente d'enchères sur Internet eBay à 200 000 euros de dommages et intérêts. Donc ça, c'est 292 000 $ canadiens pour pratiques illicites en faveur de la société Louis Vuitton. Selon le jugement, et je cite, « En générant à partir des mots des mots-clés Vuitton, Louis Vuitton, Vuitton, plein de différentes variations grammaticales, réservées auprès des moteurs de recherche associés au mot « sac » et destinées à promouvoir le site Internet eBay, la société eBay International AG a porté atteinte à la renommée des marques Louis Vuitton et à la dénomination sociale, à l'enseigne et au nom de domaine de la société Louis Vuitton Maillotier, ou je ne sais pas comment tu dis ça en français, Louis Vuitton Maillotier, bon. Et a ainsi commis des agissements parasitaires, fin de la citation. Dans un communiqué, la société de ce nom-là s'est félicitée de cette décision, et je cite, « dont la motivation confirme une jurisprudence constante tendant à protéger les consommateurs contre les risques de confusion liés à l'usage illicite des signes distinctifs des entreprises. » Fin de la citation. Le tribunal a aussi condamné eBay à payer 30 000 euros de frais de justice et a ordonné à la société d'enchères sur Internet de ne pas poursuivre ses agissements sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. Wow. Beaucoup d'argent, mais pour une compagnie comme celle-là, hein? Je pense qu'ils peuvent se le permettre. Mais là, en même temps, tu sais, oui, ça va créer un précédent, mais là, est-ce que toutes les entreprises et tout ce qui a un nom confusant avec quelque chose d'autre va être accusé? Parce que peut-être que IKEA pourrait faire retirer notre émission des ondes. Ah! Assemblage requis, peut-être. Faudrait pas. Mm. Qu'est-ce qu'on va faire sinon? Si on doit changer de nom, Kiwan, on va s'appeler comment? Kiwan et Mathieu. Ben, c'est possible de changer des émissions de nom. Ça a été fait d'ailleurs cette semaine. L'émission du matin a un nouveau nom. Oui, c'est fou. On s'appelle Lyon des Jeunes. C'est possible de faire. Let's call each other and eat breakfast. Comme tu dis. Tout aussi catchy. Non, mais sans blague, des problèmes juridiques, ça arrive, hein, Caféine, que de changer de nom pour le show du matin, tu sais. Ça arrive, ça. Ils n'ont plus le droit d'utiliser le nom Caféine. Tu changes de nom, c'est le même. En même temps, ils ont pris exactement le même nom qu'une émission de radio de Québec. T'sais. À choix. Ben oui. Très, très beau, ça. Voilà donc pour la chronique CNX Cybercrime d'aujourd'hui. Ça a pris quand même un petit peu de temps, hein, ouais, quand même. T'sais. C'est moi. C'est Mathieu Plante. Tu peux pas faire ça si rapide que ça, là. Hein? Non, non, mais c'est parfait comme ça. Bon. Ça va faire du matériel à passer dans CNX.zip. Oui, c'est jeudi à 10h, ça. Et voilà. Et voilà. Et l'émission est déjà terminée. On termine ça ici comme ça, vite de même. Colin, c'est ben trop bien. Oui, ça finit vite, cette émission-là. T'sais. Moi, je vois pas le temps passer. Tu vois-tu le temps passer? Je pense que c'est l'heure, là. Toi, tu vois-tu le temps passer? Ben non, je le vois pas. Non? Il est où le temps? L'horloge est en arrière de moi. Je peux pas voir en arrière de mon dos, Mathieu. C'est vrai que c'est vraiment mal fait, ça. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Mathieu, à 15h. Oui, et demain, à l'émission, on va avoir Simon Fédibé pour sa chronique Paul is Dead sur les mythes du rock'n'roll. On va se recevoir les Incorrigibles. Oui, ce qui s'en vient tout de suite, c'est Chérimi-Coutu. Oui, ça commence à 17h. Ensuite, il y a Rock Révélé à 19h et puis Réanimation à 21h. Et on va se laisser avec un groupe qui était hier, en fait, en participation au concours Les Francouvertes. On a reçu une très belle compilation ici. Je ne sais pas si ça a été fait à chaque année ou c'est seulement cette année. Je savais qu'il existait une compilation 10e anniversaire des Francouvertes. Là, on en a reçu une expressément pour la 14e édition avec tous les groupes qui sont en participation pour la 14e édition cette année des Francouvertes. Et hier, c'était la deuxième manche des préliminaires. Et c'est le groupe Monogrenade qui est sur les palmarès francophones ici à C'est Fou, qui détient présentement la pole position, donc son premier sur 6 groupes après leur prestation d'hier. Mais nous, on va plutôt aller écouter l'autre groupe qui était qui jouait hier. Oui, c'est le groupe L'Ours. Et eux se sont bien classés aussi, sont deuxième derrière Monogrenade. Donc on va découvrir ce groupe L'Ours avec vous et on se laisse là-dessus. À demain! Bye! Bonne soirée! désert, les fleurs, une étrange mer.